J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans cette 32e émission de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde Des comics. Ah ouais. Putain, ça va un peu plus vite pour une fois. Ça fait 32. Il a fallu 32 émissions pour que chaud. Mathieu arrive à retenir le thème de l'émission. Oui, il y en a quelqu'un qui compte. Oui, il y a quelqu'un qui compte à chaque fois, oui, faut bien. Donc vous les avez entendus, je suis avec toute l'équipe est là pratiquement. Salut Thomas, ça va ? Salut, ça va plutôt bien, oui. C'était bien ces petites vacances ? C'était pas forcément des vacances, c'était plus le bac, mais sinon ouais, ça va bien, tranquille. Tu vas l'avoir ou quoi ? Ouais, t'inquiète, c'est bon, je vais l'avoir. Tu gères. OK, on compte sur toi. Mathieu, comment ça va ? Ça va bien, salut. Et Johnny. Allô. Voilà, comme d'habitude. Cette fois, pas comme d'habitude, on a invité, salut Axel, ou Popov34. C'est ça, Popov34, salut. Ton générique est très cool. Ouais, il est cool ce générique. Ouais. On dit merci à Tom qui a fait ce très beau générique. Attends de voir celui-là. Et pour les gens qui ne connaîtraient pas Popov34, c'est le présentateur d'un talk show qui est vraiment très cool, qui passe sur YouTube. Donc sur YouTube, il s'appelle Le Dernier Créneau, ou Dernier Créneau, Dernier Créneau, c'est bien, ça suffit. Ok, on en parlera après. Et maintenant, c'est les news, c'est parti pour les news. Et on commence ces news avec une news qui fait un peu peur et que j'ai nommée Bane prendrait bien un peu de symbiote, puisqu'on a appris cette semaine dans un tweet de Sony, donc vraiment le truc officiel, que celui qui a incarné Bronson, Max ou encore Bane, Tom Hardy, va endosser le costume de Venom dans un film qui ne sera pas un spin-off de Spider-Man. Un film Venom, pas Spider-Man, enfin aucun lien de Spider-Man, je ne sais pas. Oh. Par contre, le truc qui est un peu cool, c'est que ce sera réalisé par Ruben Fletcher, qui a fait le sympathique Zombieland et Gangster Squad, qui était assez cool. Donc, pourquoi pas. On n'ose plus maintenant. Tu sens l'excitation là ? Ouais. Au niveau zéro, nous sens ouais. Moi, je comprends pas comment on peut faire un film Venom sans faire aucun lien avec Spider-Man. Tu dis ça maintenant, mais c'est le premier, hein, parce qu'après ils ont encore Silver Sable. Mmh. Si on les laisse faire, ils vont faire le film Tantman dont je parlais tout à l'heure. Les Sinister Six, peut-être. Le truc, c'est que je crois qu'ils avaient fini par plus ou moins abandonner les projets du genre Sinister Six. J'arrive même pas à le prononcer correctement. Sinister Six. Donc ils avaient fini par abandonner ce genre de spin-off, genre on crée un univers Spider-Man sans Spider-Man dedans, parce que il est chez Marvel maintenant. Et apparemment ils ont pas abandonné, ils ont l'intention de continuer à essayer de se renflouer les caisses avec. Mais j'ai pas la foi. Bah après moi les Sinister Six ou Silver Sable, pourquoi pas, parce que c'est des vilains qui peuvent exister sans Spider-Man. Mais Venom, Venom est complètement lié avec cette idée, quoi. Secret Wars qui rencontre l'alien qui se pose sur lui, qui après il devient Venom. Mais moi je verrais plus que cet univers, enfin que ça soit développé mais dans le MCU, qu'enfin Sony fasse vraiment pacte avec Marvel Studios pour se partager tous les droits, parce que pour moi c'était clair que dès que Spider-Man ait rejoint le MCU, que tout l'univers était lié, mais pas du tout, ils sont pas assez dans un délire. C'était logique. Ça me paraissait logique dans ma tête. C'est juste du bon sens, mais non, apparemment chez Sony il n'y a pas de bon sens. Fait longtemps que le bon sens a quitté Sony. Qu'est-ce que t'en penses, Popov? Moi je rejoins le côté. En fait, c'est un petit peu étrange de parler de Venom sans Spider-Man. Oui, c'est sûr. Et après, comme qui dirait, c'est un méchant assez charismatique. On va pas. Moi, c'est pas le méchant que je préfère. Hein, Non, bien sûr, mais de toute façon, il y en a des dizaines et des dizaines. Ouais, c'est un méchant qui est assez charismatique. Tom Hardy, il a quand même pas mal de cachets. Tom Hardy est un super acteur. Voilà, qui choisit ses films. Super acteur, sacré gueule. Sachant qu'il a quitté Suicide Squad en pleine production en voyant que ça devenait de la merde, donc peut-être. C'est vrai que pour l'instant, il choisit pas trop mal ses films. Le réalisateur a l'air sympa. Après, on va pas s'emballer parce qu'on s'emballait 50 fois ce mois-ci et c'était pas été terrible. Mais peut-être qu'il y a un petit côté, c'est vrai, comme disait Johnny, ils avaient laissé tomber ces projets à la con et c'est revenu. Alors peut-être qu'il y a un petit coup Deadpool Logan, genre putain, on a trouvé moyen de faire du film Rated R qui envoie du bois. Ah, Tom Hardy, badass, Venom, Rated R. C'est ça. Allez. Après, c'est peut-être un coup de com', hein. Si ça se trouve, c'est juste pour faire un appel du pied à Marvel en voyant que la hype va monter autour de Tom Hardy et du film. Ouais, il y a peut-être, ce serait cool. Ils vont revendre Venom à Marvel et puis voilà, comme d'habitude. moi, je rêverais d'un film mystérieux, du coup, ce serait cool. Mais il n'y a que toi qui rêve. Bon, on va passer à une autre news. Un film mystérieux. Ce sera avec un catcheur. Non, c'est pas le même. Comment il s'appelle l'acteur de Sam Raimi qui joue dans tous les Bruce Campbell. Bruce Campbell dans l'ombre. T'achètes, tu vois ? N'importe quoi avec Bruce Campbell. D'accord. Bon, non, c'est pas ça. C'est Valiant qui sort une mini-série sur Warmover, un personnage qui était dans 4001 AD. Donc, une espèce de d'event de chez Valiant. Donc, c'est dans un univers un peu post-apo. C'est original. Pardon. Il est sorti tout seul. C'est branché. À tes souhaits, à tes souhaits. Je vais continuer ma news quand même. Donc, c'est un univers post-apo où les humains vivent dans des espèces de groupes qui s'appellent des enclaves. Et Warmover est une espèce de protectrice d'une de ces enclaves. Donc, ça va parler de féminisme, de maternité et de femmes badass. Donc, pourquoi pas. Voilà. On a hâte de c'est voir ça. C'est un truc à la mode, hein, les femmes badass. Ouais, mais ouais, mais c'est cool les femmes badass. Non, mais bien sûr, je suis d'accord. Ça dépend comment c'est fait. J'attends de voir. Enfin, Valiant fait du bon boulot. Ouais, Valiant fait du bon boulot en ce moment. Bah, genre Face, ce qui est assez sympathique. Bon, elle est pas badass, mais elle est cool, donc pourquoi pas. T'es un scénariste ? Oui, c'est le créateur du personnage, c'est Fred Von Lant. Je ne connais pas le travail. Et ce sera dessiné par Stephen Segovia. Je connais pas non plus. Le nom, mais là, j'avoue. Moi, j'aime. Je trouve que Valiant se sort bien du lot. DC et Marvel, c'est carrément différent. Ils sont assez dynamiques depuis qu'ils ont repris leur univers. Enfin, moi, je lis que le Bloodshot Reborn de Les Maillards, qui est plutôt cool, mais visiblement, il y a des bons échos sur le. Mais lis Hardbinger si t'as le temps. Franchement, c'est pas mal du tout. Mais c'est assez. Je suis assez curieux. Il y a pas mal de petites séries qui sont vraiment cool chez Valiant. Donc, pourquoi pas. Est-ce que tu connais un peu l'univers de Valiant, ça te dit quelque chose ? Pas du tout. Je t'offrirai un titre en CK, tu verras. C'est génial. Clairement, je suis le vilain petit canard ici, moi. Genre, je vous écoute et j'apprends. C'est toujours édité en France par Bliss. Édité en France par Bliss Comics. C'est cool. Qui font des super. D'ailleurs, pour le Free Comic Book Day, ils ont fait. C'est eux qu'on fait le. Ouais. J'ai eu tout le pack. Mais dès que j'ai vu ça, j'ai choisi. C'est eux qu'on fait le meilleur truc. Ils ont vraiment sorti un run complet. Alors que les autres, un numéro. C'est légal d'un numéro VO en gros. Ouais, voilà. Alors que là, il y a au moins 3 numéros dans le titre. Donc le Free Comic Book Day, donc pour ceux qui savent pas, c'est il y a une journée, ils sortent des comics gratuits. C'est des gros éditeurs, en fait. Pour montrer un peu ce qui va sortir et faire un poil de pub. Et c'est vrai qu'en général, c'est un exercice obligé qui est pas top. Si Valiant a fait un truc cette bien, année, ça change. Cette année, il y avait change. Des trucs cool. Hein. Franchement, des trucs à jeter. Chez Glénat et chez Bliss, il y avait des trucs cool. Ouais, les Français s'y sont mis. Il y a un autre éditeur là avec. Snorgleux. Ouais, c'est un comic shop de Lyon, de Marseille, excusez-moi, qui se lance dans l'édition. C'est le truc, le titre de Brian Azzarello là. Monster Human, je crois, un truc comme ça. J'ai bien kiffé en tout cas. C'est pas mal du tout, ouais. Donc on va passer à une autre news. Et on va parler d'une news qui va faire plaisir à notre ami Mathieu. Mais en plus, il a vous ne le voyez pas, mais il a le t-shirt qu'il faut pour parler de ça. Donc c'est Judge Red Mega City One qui va se faire urbaniser, comme dirait quelqu'un que je connais et qui doit se reconnaître parce qu'il nous écoute. Donc c'est la série qui a été annoncée il y a quelques semaines déjà, donc la série Judge Red, qui avance un tout petit peu. Bon, l'instant c'est que à l'état de projet, mais ils avancent à niveau du casting et c'est Brian Jenkins, le producteur qui dit que c'est pas Sylvester Stallone mais Karl Urban qui avait incarné Dredd en 2012 dans Dredd, assez sympathique. Très bien, ouais. Qui a vu Dredd autour de la table ? J'ai pas vu. Est-ce que tu avais aimé Axel ? Ça m'avait pas fait un très grand effet. En fait, Judge Dredd, c'est un peu la licence que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît, en fait. On sait tous à peu près ce que c'est, on sait à quoi ça ressemble, mais après... Tout le monde a vu le film avec Stallone, quoi. Ouais, je pense. Moi, je l'ai pas vu non plus. Après, Stallone, on aime ou on aime pas, quoi. C'est ça, le truc. Ah, je suis la loi, génial. Le film est sympathique. Mais Dredd, je me suis un peu endormi devant, mais il est sympa. Voilà, les premières 10 minutes. Non, s'ils avaient pas un budget extraordinaire, il est sorti en même temps que The Raid Il est pas mal de pas avoir un budget extraordinaire et d'avoir Sylvester Stallone quand même. C'est le Karl Urban qui avait moins de. Là, c'est Karl Urban. Et effectivement, oui, il souffrait la comparaison de The Raid puisque ça se passait un peu de la même manière. Ouais. Et il a perdu. Face à The Raid. Mais du coup, ça serait une suite. C'est difficile. Je sais pas du tout. Parce que les suites reboot, c'est vraiment un truc chum, quoi. Comme avec Hulk et qui a suivi avec l'incroyable Hulk. Genre. Ah, c'est super. En tout cas, Karl Urban, c'est un acteur que j'aime bien, que vous avez peut-être découvert dans Le Seigneur des Anneaux, qui jouait, un des mecs du rang, je crois. Du cavalier du rang. Ouais, voilà. Oh purée, j'avais jamais remarqué. Tim, il est partout en fait. Il est dans Star Trek, il fait je sais pas combien de secondes. Ouais, il est dans Star Trek, ouais, c'est vrai. Il est dans un milliard de trucs. Ouais, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent de genre regarder une série ou un film et de me rendre compte qu'il est là et j'avais jamais remarqué. Ouais. Alors que c'est un peu ça. Le nouveau. Il le rajoute en post-production. C'est un peu le nouveau Boromir, là, comment il s'appelle cet acteur qu'on voit partout et qui crève tout le temps. Merde, je sais plus, bon, on sait pas grave. Ouais, non, j'ai oublié son nom. Super, les gars. Merci beaucoup, merci. Il joue dans Game of Thrones, c'est Sean Penn. Il est mort, voilà. Voilà, on ne saura jamais. Je vais sûrement recevoir un texto d'ici peu qui me dit ah mais vous êtes con, on va passer à une autre news. Et la semaine dernière je vous parlais de Robert Zemeckis qui était prévu pour The Flash. Et ce n'est pas un seul réalisateur mais trois que nous allons voir, puisque après Robert Zemeckis, bon, qui apparemment aurait des petits problèmes puisqu'il a un deal en ce moment avec Universal pour un film avec Steve Carell, donc il serait un peu retardé pour avoir... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Sean Bean, voilà, exactement, merci. Ouais, c'est beaucoup. Bon, tu peux reprendre. Voilà, donc je disais, Robert Zemeckis est retardé pour réaliser The Flash, donc, puisqu'il a un deal avec Universal, mais la production, enfin Warner, ne dit pas qu'il pourrait ne pas attendre, mais il y a deux autres petits réalisateurs qui pourraient prendre sa place. Matthew Vaughn, qui était pressenti pour faire Man of Steel 2, qui peut-être va être dévié sur le projet de The Flash, donc ça pourrait être sympa. Hein. C'est toujours en cours, Man of Steel 2? Oui, bah apparemment. Ouais. Ouais. C'est un jour oui, un jour non. Il y en a qui suivent à Warner ce qu'ils font quand même. Ils ont un tableau avec des flèches. je ne sais pas du tout. C'est encore plus compliqué que le MCU. Il y a un autre nom encore plus intriguant qui gravite autour du projet. C'est Sam Raimi qui pourrait réaliser The Flash. Donc, messieurs, je vous laisse choisir. On Sam Raimi, parce qu'il y aura Bruce Campbell. Vaughn. Matthew Vaughn. Parce que c'est l'un de mes préférés. Voilà, c'est tout. Ouais, bah, Matthew Vaughn, il a quand même fait. Enfin, il sort quand même du lot au niveau des films de super-héros avec Kick-Ass, X-Men First Class et Kingsman. Ouais. Enfin, niveau adaptation comics, franchement, c'est un des rares qui fait vraiment du très bon. Et puis même sa direction est géniale. Layer Cake, c'était. Ah, ouais, non, vraiment, il fait du très bon boulot. Mais après, par rapport à la Warner, j'ai peur qu'il soit pas assez libre au niveau de la réalisation, du coup. Ouais, on verra. Bah, du coup, mais comme il a signé avec Warner, donc il doit avoir en plus de temps. Qui te choisit Axel, Popo, je ne sais plus. J'ai pas d'avis et j'ai pas du tout envie que ce film sorte. Mais c'est toi aussi. Je croyais qu'on en parlait pas en fait. On est tombé d'accord sur le fait que c'était pas une bonne idée. Moi je suis hypé, j'ai envie de voir Barry Allen au cinéma. C'est le seul truc bien de Suicide Squad, c'est sa petite apparition de seconde. Mais le problème, c'est que Barry Allen a tellement d'identité aujourd'hui que tu sais même pas à quoi t'attends en fait. Enfin, si t'as connu, enfin si t'es un petit peu genre. Enfin, si t'es pas né en 2000, t'as connu soit quelques comics, soit les dessins animés qui sont passés. Soit les vieilles séries. C'est ça, ou les vieilles séries. Et si malheureusement, pour toi, t'es né que dans les 15 dernières années, ben t'as vaguement regardé la série de DC qui est extrêmement teenage, yeux. C'est incroyable. C'est pas bon, voilà, c'est pas complètement jeté par la fenêtre. Mais ça pourrait être pire, ça pourrait être Arrow par exemple, tu vois. Ah non, franchement, je préfère Arrow que Flash. Mais enfin, c'est dommage parce que c'est un personnage que qui est cool, qui est vraiment très cool. Et puis tu sais, c'est un personnage pas compliqué. Je veux dire, il court vite, il peut faire beaucoup de choses en courant vite. Et... Ouais. C'est pour ça que je Vaughn, parce que lui, il a un style plus visuel que les autres. C'est-à-dire que pour ce qui est de mise en scène, pour un personnage comme Flash qui se déplace super vite et qui est extrêmement visuel comme perso, un gars comme Vaughn, c'est parfait parce que la gestion de la caméra, les plans, etc. Le gars mettrait en scène Flash d'une manière qu'à mon avis les deux autres pourraient pas. Cela dit, je suis comme Popov, le film je le veux pas, donc bon. Ouais. Moi je le veux, moi je suis vraiment arrêté. Au niveau scène d'action, Matthew Vaughn, il a fait des. Mais moi j'ai revu les Spider-Man récemment, les trois de Sam Raimi. Et c'est bon, ils ont pas si vieilli que ça en fait. Hein. Bah, juste le 1, t'as l'impression que c'est des graphismes de PS2. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas entendu ce qu'il disait. J'ai dit c'est ce que je me tue à dire, bon, sauf le troisième parce que ils voilà. Mais bizarrement, moi, en voyant génial. Les trois d'affilée, c'est le 3 que je préfère. C'est vrai. Ouais, allez, on s'en fait. Fin d'émission. Mais t'as vraiment des goûts de chien. Mais dans le 2, il se passe rien. Le c'est que... pas quoi, mais le 2, c'est le. Mais c'est il se passe rien. Meilleur. C'est chiant. C'est enfin, le meilleur film de super-héros en fait. On va passer aux sorties de la semaine. Voilà, c'est ça. Alors, on évite le sujet. Quand le film sortira, Spider-Man, on en parlera et je pourrai vous expliquer pourquoi le 3 est mieux que le 2 et vous me direz. Ah mais oui, tu as totalement raison. Bah oui, complètement. Donc j'ai sélectionné deux titres qui vont sortir cette semaine, enfin trois titres puisque le titre dont on va parler tout à l'heure sort cette semaine aussi, il sort vendredi. Donc j'ai sélectionné Steam Man de Mark Alan Miller et Piotr Kowalski qui sort chez Delirium pour 24€. Donc c'est l'invasion des Martiens décrite par H.G. Wells a vraiment lieu et un robot géant coiffé d'un haut de forme et qui combat qui se déplace grâce à la vapeur va tabasser des monstres géants et des extraterrestres. C'est un Pacific Rim old school en fait. Ouais, voilà, c'est un Pacific Rim à vapeur avec un robot. T'as eu du mal à me hyper là, j'ai pas tout capté là. C'est dommage, ça commençait bien. Non, mais il y a pas grand chose qui sort, hein, donc je prends ce que je trouve. Hein. Sachant que j'ai pas lu, j'ai juste lu le pitch. Ouais. Donc ouais, pourquoi pas. L'autre truc que j'ai sélectionné, c'est la suite du label de Glénat, donc qui s'appelle Original Graphic Novel. Donc on vous avait parlé de. Malheureusement, vous avez parlé de Tsukuben Turbo parce que tout le monde l'avait détesté pratiquement, à part moi. C'est la suite. Donc, je vous rappelle le principe. Ils prennent un auteur français et ils prennent un auteur américain. Là, cette fois, c'est Brian Buccellato qui a bossé sur Flash avec Manapool. Donc, c'est un super coloriste, un super scénariste. Et c'est le français Alexis Sentanek qui bosse avec lui pour vous faire Lo-Fi Vendetta personnelle. Donc, c'est Glénat qui nous propose un nouveau mariage d'auteurs transatlantiques qui conjuguent leurs talents pour un récit noir comme les rues glauques et sauvages de Los Angeles. Donc pourquoi pas. Oui, ouais, on va pas quand même pas les juger par rapport au reste. Hein. Comme on avait dit, de toute façon, l'idée, le projet est bien. Bon, c'est vrai que Kevin Turbo, ça nous avait pas forcément convaincus, mais là, ils sont pour rien, ces deux pauvres mecs. Attention, ça va être bien. Ok, donc je vais vous dire quand même les trucs qui sortent cette semaine. Il y a Spawn Renaissance tome 3, Bloodshot Reborn tome 4. Donc, faut que j'achète. Je vais l'acheter. Quelque chose que j'ai sélectionné pour Juni, qui doit savoir qui sort, c'est Mutafukas Putamadre tome 5. Yep. Et tu veux nous en parler vite fait, 30 secondes? Non, j'ai lu qu'un numéro, c'était le numéro 4, donc je suis pas au fait de l'histoire en d'accord. fait. Je vais rattraper. Et Deadshot et les Secret Six, tome 3. Donc voilà, on va passer à la pause musicale. Après, on va vous parler de The God Damned. Et après, on va parler de. je le dis pas bien, oui, je sais. Non, mais en fait, c'est même pas la prononciation qui me fait rire, c'est l'hésitation en fait. Tu cherches, j'aime oui, bien, oui. C'est drôle. Merci de je suis vraiment une victime dans ce. Oui. C'est l'animateur qui s'en prend plein la gueule, c'est pas grave. Et après, on va parler de Dernier Cri. Avec Axel Popov et le premier titre c'est je voulais rendre hommage à Chris Cornell qui est mort la semaine dernière et c'est Soundgarden Fell on Black Days. Putain, t'as noté pour une fois. We'll be right back. Et donc c'était Soundgarden, Fell on Black Days. Et on va partir sur la review de la semaine. Et on va vous parler d'un titre. Et c'est Johnny qui va dire le titre parce que sinon il va encore se foutre de moi. On va voir s'il a plus droit à l'erreur là. The Goddamned. Donc voilà. Et donc c'est un titre de Jason Aaron et RM. Mais RM, c'est quoi en fait? J'ai même pas allé chercher. J'ai oublié son prénom, mais. Okay. On ne saura jamais. La de Madrid, non? On le mettra. Ouais, Michael, un truc un peu. Donc, bah, c'est Mathieu qui commençait par nous parler du scénario. Ouais. Alors, donc, Jason Aaron, donc au scénario, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission. Là, t'avais parlé du titre en coup de cœur, en fait. Ouais, c'est déjà, ça que j'ai lu il y a quelques temps. C'est sorti chez Image Comics, donc c'est le troisième éditeur de comics aux États-Unis. C'est la mecque pour les auteurs qui veulent faire un peu d'indépendant et avoir les coups des franches. Ils sortent vraiment des titres qui sont juste une tuerie, quoi. Et en ce moment, ils sortent que des trucs. Ouf, ouais, c'est quasiment tout bien, ils font chier. du coup, Jason Aaron, il a fait en super-héros, il a fait pas mal de Marvel, du Ghost Rider, du Punisher, la fameuse série Wolverine and the X-Men, qui est la série cool sur l'X-Men, qui date un petit peu, mais qui est toujours aussi cool. Et en ce moment, vous pouvez le retrouver sur Star Wars, sur Thor et sur Doctor Strange. Il fait que du bon, en fait. Et quasiment, ouais. Sauf Star Wars, en fait, c'est pas terrible. Bah, si Star Wars, c'est génial. Ah, bon, c'est trop bien. Et en juste parce que c'est marqué Star Wars dessus. Non, ouais, mais moi, j'ai tout pas, acheté. Même pas. Et en indépendant, donc Sculpt, bientôt une série télé, et Southern Bastard qui a gagné quelques récompenses. Enfin bon, voilà, le gars est en train de se faire une bonne petite carrière. Et donc le comics parle, ça commence 1600 ans après que l'être humain s'est fait virer de l'Éden. On suit Cain qui erre seul, qui est immortel, qui est totalement dépressif parce qu'il en peut juste plus d'être vivant, juste plus de supporter le poids du premier meurtre qu'il a commis et le fait justement qu'il soit fait virer de l'Éden. Et il essaie de mourir. Mais ce que tu dis pas, c'est qu'il a été damné et qu'il peut pas mourir du coup. Voilà, c'est ça, il est immortel, donc il n'y arrive pas. Et du coup, il erre un peu comme une âme sans peine au milieu de cette espèce de chaos post-Eden. Et il finit par rencontrer une pauvre femme qui s'appelle Aga, qui cherche son fils qui a été enlevé par Noé. Et un espèce de relent de pitié fait que, presque malgré lui, il va tenter de l'aider. Le souvenir de l'amour. Ouais, ouais, chose comme ça, même 1600 ans après. Donc on est en pleine histoire judéo-chrétienne, en pleine Bible, complètement. Adam, Ève, l'Éden, Abel, Cain, Noé, tout ça, c'est le cadre est grosso modo connu dans les grandes lignes, même si Johnny nous disait que c'est beaucoup mieux travaillé que ça. Moi j'avoue que la Bible, je m'en rappelle plus trop. On en parlera bien, voilà. Du coup, alors aussi le cadre est globalement connu, c'est plus le ton qui est original, c'est quasiment du Mad Max en fait. C'est ce que je voulais dire, ouais. Ultra violent, c'est juste une question de survie du plus fort. On voit une humanité quasiment animale, réduite en clans, comme les Bad Boys ou les Ravageurs. Enfin, c'est les premières images, c'est juste horrible. C'est qu'un qui se réveille dans une mare de pisse qui va juste tabasser les mecs qui l'ont mis là, mais c'est juste une boucherie. Les premières pages, juste une boucherie. Il y a trois lignes de dialogue. C'est gratuit, ouais. Léguerra, il est fort pour ça, je crois. Il y a du sang partout. Ouais, RM Guerra, c'est le dessinateur ou dessinatrice là, Dessinateur de Sculpt qui a déjà été bien roots. Et là, le trait est juste formidable. Je pense que Gino vous en dira tout à l'heure un peu plus. Et donc, c'est espèce de Cain, c'est espèce de Wolverine un peu, qui est immortel, mais genre ouais, plutôt le man Logan, qui voit son don comme une espèce de malédiction parce qu'encore une fois, il n'en peut plus, il aimerait juste que ça se termine. Et il finit par presque avoir énormément de haine envers cette humanité qui vit dans la merde, la pisse et le sang. On a vraiment une image pas terrible pendant tout le comics. Quoi. Et un comics très optimiste. Non, voilà, ouais. Et donc il finit par rencontrer cette pauvre femme qui a perdu son fils, enlevée par Noé, qui est là aussi assez loin de la figure éventuellement mythologique et héroïque qu'on pourrait peut-être croire, parce que c'est quand même un beau salopard, celui-là aussi. Même si sous couvert de faire le bien, il estime que voilà, il a des actions quand même très discutables. Et donc c'est très sombre, comme tu dis, il n'y a absolument aucun espoir. Les hommes sont réduits à des animaux, on voit des enfants qui se comportent comme des loups. Encore une fois, les premières pages, c'est une boucherie totale. Le volume se termine par un meurtre horrible dont on dira pas plus, mais c'est quand même assez ignoble ce qui se passe. Et donc il n'y a pas vraiment d'image positive en plus, logiquement. Bon, Noé, les anges, les Néphilim, Cain, Abel, c'est censé être véhiculé certaines images mythologiques. Donc, voilà. Positif et tout, là, ouais. Rien, c'est ultra roots. C'est juste une interprétation en fait, éventuellement, de ce qui s'est pu se passer dans la Bible. C'est vraiment cataclysmique. En VF, je sais pas comment ça s'appelle le volume, en VO, c'est Before the Flood, donc avant l'inondation. Donc imagine que c'est avant le déluge. Voilà. Ouais, l'Arche de Noé, tout ça. Et en fait, on a juste envie de dire, mais oui, mais dépêchez-vous, oui, mais faut laver tout ça. C'est horrible, quoi. Il y a rien à sauver. On en peut plus. Karcher. Ah, ça, on s'en peut plus. C'est anxiogène que ça, on peut plus. Alors, voilà, j'ai beaucoup insisté sur le cadre parce que c'est vraiment ultra puissant. Après, en termes de narration, ça me rappelle vraiment ce qu'il a fait sur Scalps and Bastard. C'est-à-dire que ça passe tout seul, il gère ses persos, mais vraiment, c'est pas forcément de génie ou de complexité dans la narration. Il y a un ou deux flashbacks, dans un qui est génial, où tu vois Adam et Eve qui s'envoient des fions dans la gueule. c'est horrible ce qu'ils disent, quoi. C'est trop bien, ça. Avec la seule imagerie un peu positive, tu vois, t'as des forêts et tout, les donnes, tu fais ah putain, enfin, quoi. Et puis en fait, non, ils sont ignobles, les deux. C'est horrible ce qu'ils disent. Ah, le vieux couple et. Le truc, c'est que le flashback, il y a très peu d'interaction entre les deux, mais t'apprends tellement de choses. Juste c'est entre ça. Tu captes que les parents supportent pas. C'est juste de la haine. C'est genre, on m'a mis avec une bonne femme et on m'a mis avec un espèce de gros con, et je suis obligé de le supporter parce qu'en gros, il y a que ça. Ouais. Et leur gosse, il y a. Parce que en plus, ils ont bien mis en scène justement le fait que Cain tue Abel, quoi. C'est un peu la base du truc. Et ils ont bien mis en place l'espèce de conflit, en gros, qui est l'aîné est plus ou moins mieux traité que le cadet par les parents. Genre, tout ça sera un jour à toi, tout ça. Donc forcément, quand t'es le petit gars, le petit dernier, et que ton aîné on le traite un peu comme d'un demi-dieu, et toi à côté t'es un peu rien, faut pas s'étonner qu'après tu lui mettes une pierre dans la tronche, tu finis par craquer. C'est ça où il est fort Aaron, je trouve, c'est qu'encore une fois il joue avec des codes et des personnages qu'on connaît, du coup il a pas besoin d'en rajouter, il en rajoute juste ce qu'il faut pour son récit à lui, et le reste ça déroule tout seul. Alors malgré qu'il n'y ait pas encore une fois d'accroche pour le lecteur, parce qu'encore une fois c'est quand même une belle brochette de dégueulasse ce qui se passe, on reste captivé. Moi j'étais quand même vraiment vraiment captivé par le truc, et bon, il y a quand même le personnage de Cain qui commence comme étant une espèce de bourrin idiot qui juste en a marre, qui méprise tout le monde, et qui finit par trouver un peu plus de profondeur à mesure que ça avance, et tu finis par te dire putain, le pauvre gars, ça fait 1600 ans qu'il erre dans la merde, que je comprends qu'il en puisse plus, quoi. Il est pas positif pour autant, hein. Non, alors la fin c'est l'ascenseur émotionnel, tu te dis putain il va se passer, ah bah non, c'est dégueulasse en fait, et du coup tu fermes le volume en disant bah, il va faire quoi maintenant là, parce que on va pas supporter ça longtemps quand même, quoi. Et en fait c'est l'auteur de Southern Bastard, ça m'est fait pareil. Le premier volume j'ai fermé en disant l'histoire se finit à lui-même, il pourra pas rebondir, et les deux suivants volumes de Southern Bastard sont juste géniaux. Du coup, les yeux fermés, on fait confiance, hein, c'est bon. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Sculpt de la même équipe créative. C'est pas très positif non plus. Oui, voilà, où tous les personnages sont des connards finis, mais tu t'accroches quand même à chaque personnage. Ouais, parce qu'il y a quand même une. En plus, l'auteur sait écrire des trucs genre vraiment en mode ambiance cool, genre Star Wars ou Thor. Ouais, Wolverine et X-Men, c'est vachement funky. Ouais, en plus, aussi. Bah, Thor, ça prouve qu'il est vraiment. Il se fait un malin plaisir, je trouve, vraiment à torturer. Là, Sculpt, c'était une torture continuelle de ces personnages pendant 10 ou 12 volumes, quoi. Même à la fin, t'as pitié, c'est bon, achevez-les, rasez tout, ils souffrent, les gars, faites quelque chose. Là, ça part un peu pareil. Mais tu sais, ça se lit facilement, franchement. Ouais, franchement. En une petite demi-heure, tu lis ça tranquillement. Ouais, même si, quand même 2-3 scènes, surtout avec les enfants. Oh. Ah ouais, il y a des scènes vraiment sales. C'est hard. Mais ça fait penser vraiment, comme tu l'as dit, à Mad Max, un peu dans l'ambiance du 2. Ouais, sans le côté messianique de Max. Il y a ce côté un peu post-apocalyptique où tout le monde a la lèpre un peu dégueulasse. Ah, c'est pré-apocalyptique, c'est nouveau. Ah, c'est vraiment. Ouais, c'est ça, j'ai essayé de réfléchir au terme. On a commencé à parler de speech. De pitch, pardon. Bah, du coup, Johnny, tu nous parlais un peu du dessin et des références à la Bible qu'on a pas relevé. Ouais, alors c'est des petits trucs, hein, c'est pas intégral au scénario, mais c'est des petites références du genre, comment dire, certains. Bon, les Néphilim, déjà, ça m'a toujours plus ou moins fasciné parce que leur origine est légèrement dégueu. Comment dire, en gros, avant le déluge, il y avait Adam, Ève, et ils ont eu plein de gamins. Il n'y a pas eu que Cain et Abel, ils ont eu plein d'autres gosses. Et c'est la partie de la Bible qui est très fun parce que tout le monde vit 700 ans. Et ils ont une vie qui est essentiellement je souffre ou alors je suis tellement pieux que genre Dieu est sympa avec moi. Et puis à un moment, il y a les Néphilim qui naissent en fait du fait que les anges trouvent les femmes humaines tellement belles en fait qu'ils décident de s'accoupler avec, et ça donne. Alors la définition, généralement on dit géant, donc généralement dans la pop culture vous allez les voir sous les formes de genre gars très très grands. Et même avant ça, Goliath, de David et Goliath, c'est le dernier Néphilim, c'est ce qui fait justement qu'il était un si bon guerrier, c'est qu'il était énorme et il a été battu par un tout petit gars. Donc il y avait ça, il y avait une référence à Enoch aussi qui est c'est un autre élément de la Bible encore, c'est-à-dire que tous les personnages majeurs de la Bible sont souvent les descendants ou les ancêtres des mêmes personnes. C'est-à-dire que à partir de Adam, ça descend en plein de branches différentes vu qu'il a donné toute l'humanité, mais tout ce qui est Noé, Enoch et tout autre personnage important dans la mythologie biblique, c'est tous les ancêtres les uns des autres, un peu comme une ligne droite en fait, c'est genre le grand-père du grand-père de machin, et c'est une dynastie si on veut. Et Enoch en fait il a des liens de parenté avec Noé, c'est son arrière-arrière grand-père ou une connerie comme ça. Il était dans le bouquin, justement, ils en parlaient en disant du temps d'Enoch à un moment, donc il était un peu considéré comme une figure historique, ce que je trouvais sympathique parce qu'il n'y a quasiment pas d'informations sur lui dans la Bible. Mais voilà, c'est des petits détails de ce style, c'est franchement pas intégral à l'histoire, mais c'est des petits trucs, quand t'as lu la Bible, c'est marrant de les voir, parce que tu te dis, ouais, il a fait un peu sa recherche pour arriver à faire un truc un peu intéressant. Ça, plus le fait que... Comment dire, la retranscription de l'univers tel qu'il était à l'époque de Noé dans la Bible, c'était effectivement plutôt sale, mais là il a vraiment poussé ça un peu loin, tout en restant... un peu trop loin. Non mais c'est-à-dire que c'est... très très loin. C'est-à-dire que j'ai relu des petits passages comme ça, histoire 2, et effectivement il y a vraiment moyen de caser des trucs aussi sales que ça dans la Bible en fait, dans le contexte qu'il te donne, c'est-à-dire que la Bible est jamais très détaillée dans les événements. Ouais, c'est ça, c'est hyper libre à interprétation. Voilà. Et donc il y a vraiment moyen de caser... voilà. Et là pour le coup, en lisant la BD, tu te dis oui, effectivement j'aurais fait pareil que Dieu, moi, le déluge tout de suite, parce ouais. que voilà. Et justement, alors après pour le dessin... j'ai essayé de trouver une manière d'expliquer correctement, de rendre justice au graphisme. Non, mais c'est ça en fait, c'est que c'est difficile d'expliquer ça de manière positive, étant ouais, donné parce le que type vu que de c'est sujet. Sale, ouais, ouais, voilà. Et en fait, le truc, c'est que sale, je pense que là, au-delà du fait que c'est genre techniquement parfait, génial, extraordinaire et super vivant dans le trait, je crois que la meilleure définition que je puisse donner, c'est que en lisant, en fait, ça m'a fait penser à un truc, c'est qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on va dire, dans l'hémisphère nord, on a relativement pas mal de chance. Et pour avoir grandi au Sénégal, on a souvent cette blague qui est que les gens dans l'hémisphère nord et en Europe en particulier, ils aiment beaucoup se plaindre alors que leur mode de vie est franchement plutôt cool. Et comparé à d'autres pays où les gens sont en guerre, où il y a des massacres ethniques et des trucs de ce style. Et cette BD, c'était ça, mais en pire, sachant que dans ce genre d'histoire, généralement, tu te dis, il y a un autre endroit sur la planète où ces gens peuvent aller et ils vont avoir une meilleure vie parce que les gens sont plus civilisés là-bas. Là, c'est pas le cas. Et là, même le contraire. Hein. Ouais, dans la BD, à un moment, ils... C'est exactement ça. Là, tu lis une histoire où, à chaque fois que les personnages vont quelque part, peu importe où ils vont, peu importe qui ils vont croiser, peu importe ce qu'ils vont faire, tu sais qu'ils vont de toute façon tomber sur quelqu'un d'absolument atroce. Et il n'y a pas d'endroit où ils peuvent aller pour se sentir mieux. Et le dessin, en fait, c'est ça, c'est des espèces de désespoir profond mélangé à du sang et de la sueur et des... Tu donnes très envie de le lire là. Non mais c'est ça, c'est qu'en fait, ça peut vous rassurer sur votre existence. Ouais, c'est un peu ça. On s'en sort pas si mal que ça. C'est un peu ça. Et le truc, c'est que ça te prend tellement. Je pense qu'en fait, c'est même pas juste regarder des dessins, c'est carrément une expérience. Ouais, c'est ça. Hein. C'est tu vis en fait leur vie pendant l'espace de ta lecture, en gros, et tu te rends compte d'à quel point leur vie est atroce, d'à quel point la tienne elle est cool, et tu ressens en fait toutes les émotions qui vont avec. Et c'est génial. Tu ressens le malaise. Ce qui est cool, c'est quand le dessin il peut te rendre transcrire une émotion, ça c'est... Que tu vois passer tous les lépreux avec leur tronche absolument dégueulasse. C'était génial, j'étais transcendé limite pendant... C'est une thérapie en fait, hein. Le jour où t'es un peu déprimé, tu lis ça et tu dis bah, c'est pas grave, t'as pas revenir, ça va... Chômage, on s'en fout. Il a pas un trait qui est très très comique, moi ça me fait plus penser à de la franco-belge. Ouais, j'ai eu la même réflexion aussi, et justement j'aimais bien ça, alors je serais pas étonné qu'il soit quelque chose comme d'Amérique du Sud ou un truc comme ça. Et je crois qu'il est argentin. Ah bah voilà. On va vérifier dessus. Mais oui, ça se ressent beaucoup, il y a beaucoup d'influences, on va dire, plus européennes, et d'ailleurs son dessin est extrêmement détaillé. Tout en étant justement extrêmement vivant, je serais curieux de savoir quels outils il a utilisé. Ah, dans les scènes d'action, c'est putain de trash, quoi. Ouais. Il y va et c'est super bien mis en scène, quoi. Ouais, c'est dégueulasse, mais dans le bon sens. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. En étant extrêmement lisible, ce qui est franchement extrêmement impressionnant, parce qu'avec un dessin comme le sien, c'est très très difficile d'arriver à faire un dessin qui soit... Tu étais très loin, les Serbes. Ah, Serbes. Ah, bah, pas du tout. C'est pas bien loin. L'Argentine, c'est bon. Tu es en avion, quoi, 15h. De toute façon, aujourd'hui, rien n'est loin. Bah, tu parles, t'as un petit avis sur le titre. Ouais. Alors déjà, j'étais content de pouvoir le lire, donc merci. Et non, honnêtement, je suis pas très attiré par ce genre d'histoire habituellement. En revanche, c'était un bon moment parce que c'est des sujets que tout le monde connaît un petit peu. Après, comme on l'a dit, la Bible, c'est hyper libre à interprétation. Et là, on est vraiment dans le thème parce que le mec est en pleine descente aux enfers, mais du début à la fin, quoi. C'est-à-dire que même par exemple, bon, il y a des petits retours de personnages entre le début et la fin, et typiquement, il y a un enfant qui a l'air à peu près bon, et puis au final, enfin, tu te rends compte que genre il a fallu 3 pages pour que ça devienne genre un cauchemar, le gamin, c'est un truc. Bah, c'est ça, c'est que même l'enfant, ce qui est censé être l'espoir à peu près partout dans le monde, là, non. C'est ça, exactement. Ouais, et du coup, grosse descente aux enfers, et puis, enfin, finalement, il y a aucune morale en fait dans ce truc. C'est il y a aucun bon personnage, il y a aucun mauvais personnage. C'est vraiment une question de je sais pas si c'est une question de point de vue ou quoi, mais en fonction de la manière dont tu lis le truc, c'est... Il y a pas de gentil, il y a pas de méchant, c'est juste des mecs qui se foutent sur la tronche en fait, et tout prétexte est bon. Et puis bah, ça justifie le déluge, du coup on tire la chasse et puis on attend que ça repasse, quoi. Du coup, même la pauvre femme qui cherche son gamin, t'as envie de dire mais pourquoi? C'est ça. Il lui dit d'ailleurs. Sens-toi soulagé. C'est exactement le truc qu'il lui dit ça. J'ai vu que tu vas te faire chier. C'est d'ailleurs, ils ont bien joué avec certaines défis. Pour des grosses figures, bon, Karin, c'était relativement facile parce que franchement, dans le matériau de base, on va dire, à part tuer son frère. Comment dire, bah justement, j'en parlais avant que t'arrives, Mathieu. C'est-à-dire que dès la première page, on le voit, même la tronche dans la pisse. Je savais qui c'était parce que dans la mise en scène, ils ont réussi à retranscrire pas mal des éléments qu'on a dans la Bible qui ont, une fois qu'il a tué son frère, Dieu le punit en lui disant tu porteras la marque. Et ils y font référence d'ailleurs de manière plus ou moins implicite puis explicite dans la BD. Et du coup, ils ont bien réussi à créer des vrais personnages autour, un vrai univers. Et il y a un autre élément que j'ai beaucoup aimé, c'est comment ils ont traité Noah. Qui est bah en gros enfin tout le monde connaît l'histoire quoi, le gars reçoit un message de Dieu qui lui dit bon je vais foutre de l'eau partout et tu crées un gros bateau et tu mets plein d'animaux dessus et là ils ont réussi à en faire une espèce de pseudo chef de religieux qui genre est convaincu de sa propre supériorité parce que ouais, Dieu lui ça. A en fait comment dire ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on a maintenant en termes de chef de secte ou ouais, chef ça, religieux qui sont convaincus d'avoir il raison il a réussi et... à le traiter de façon limite un peu réaliste quoi ouais. Comment ça se passerait vraiment ouais, ça m'a fait beaucoup penser à Mad Max 2 avec le méchant qui est un peu ouais exactement ouais, ouais. C'est ça ouais. Ouais, c'est exactement ce fanatisme religieux ouais, voilà, ouais. Moi ce que j'ai grave kiffé c'est qu'à la base genre ça me hypait pas quand j'ai vu que ça parlait d'un truc biblique mais comment il retombe ça d'une façon tellement à sa manière en mode vraiment gore enfin moi j'ai l'habitude normalement que quand on fait un comic sur le passé bah on prend un peu les hommes préhistoriques et tout et là du coup c'est pas du tout la théorie de l'évolution c'est la Bible et genre du coup il se laisse vraiment l'opportunité de créer plein de sortes d'êtres humains vraiment chelous vu que là on va pas prendre du coup des hommes préhistoriques c'est juste des vieux dégueulasses où la maladie existe de partout. Ah, finalement, l'univers c'est... est cool. Ouais, genre, l'univers est cool. Ça fait un peu. J'avais jamais vu une nouvelle comme ça, moi. Je l'avais jamais vu traité de cette façon. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est que tu le vois carrément traité d'une autre façon. Bah, un peu à la Mad Max 2, ouais, du coup, mais avec moins de technologie, quoi. Ouais, et effectivement. Après, sur le. Il y a des bâtons, quand même. Et des cailloux. Et du fer. Mais après, sur le papier, ça fait un peu liste de course, mais il y a vraiment un univers sympa à développer. Les Nyctalopes, les machins, etc. Enfin. Non, franchement, c'est intéressant. Sur après, ça. Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est que vraiment, alors on dit que c'est ultra violent, c'est vrai que c'est ultra violent, mais ouais. c'est pas gratos. Ça pose vraiment, vraiment une ambiance, comme disait Juni, apocalyptique. Ouais, ça fait partie de l'ambiance c'est générale. Tu sais, effectivement, quoi qu'il arrive, tu vas tomber sur un mec qui va te mettre un truc dans la gueule, et sans doute te violer, et sans doute piquer tes affaires, et piquer ton gamin et tout. Et te du bouffer coup, en plus. Ouais, ça, ouais, et bouffer un morceau. Après, c'est dans le thème des instincts primaires. Hein. Voilà, ouais. Mais du coup, ça sert vraiment quelque chose. Il a déjà fait ça dans Scalp, des scènes ultra violentes, mais ça sert systématiquement le récit. C'est pas gratuit, et c'est pas forcément facile à faire ce genre de violence. Bon, en tout cas, je pense que vous l'aurez compris, autour de la table, on a tout ce qu'il fait. Ouais. On le conseille pas à nos petits frères de 5 ans, mais pour un public un peu mature, quoi. C'est ça la vie, il faut qu'ils apprennent. Un minimum. Pas pareil à l'école après. Si vous voulez un autre truc qui est gore et malsain et bizarre, lisez la Bible elle-même, parce que franchement, c'est beau. Bah, la partie Adam et Ève, bizarrement, on survole toujours cette partie-là, et en la lisant, tu découvres des trucs que les prêtres te disent jamais vraiment. Et c'est toute la Bible, en fait, c'est ça, c'est plein d'histoires que bizarrement, à l'église, on t'en parle pas. Alors qu'elle est dans le livre, mais il survole cette partie. Et quand tu la lis, c'est franchement spécial. J'aime beaucoup. Et en tout cas, si vous avez kiffé le titre. Le maudit. Oui, voilà. The Goddamn. Ouais, lisez Sculpt, qui est vraiment dans le même état d'esprit et qui est vraiment cool. Pour les gens qui ne savent pas, ça parle d'une réserve indienne, donc des trafics un peu dans la réserve indienne, et d'un mec qui est infiltré pour voir comment ça se passe dans cette réserve. Et avec, il arrive plein de trucs de la mafia et tout. Enfin, c'est vraiment très cool. Jetez un coup d'œil, c'est très très bien. C'est chez Vertigo, c'est chez Image. C'est Vertigo à l'époque, ouais. Ouais. Donc, de toute façon. Du coup, The Goddamn, ça sort chez Urban. J'ai Urban, ouais. Chez Urban Comics. Ça très sort bon choix. Du coup, ça sort cette semaine vendredi. Nickel. Bah, voilà. Et on va passer à l'interview. Donc je veux pas de jingle spécial. Quelqu'un veut faire un jingle interview avec la bouche. Ouais, voilà. Merci. Donc du coup je suis allé réécouter les vieilles émissions parce que j'ai dans la première émission où Juni apparaissait, j'avais dit ouais on va prendre 5 questions comics qu'on va poser à tous les invités. Mais on va te poser ces personne n'est venu depuis c'est ça. Alors, attends avant toute chose je tiens à préciser que je suis vraiment le consommateur lambda de base de comics. Ben, c'est pas grave c'est pas grave. La vie grand angle tu vois genre ouais, c'est bien. La vie que tout le monde peut avoir même sans connaître les comics. Ouais. Donc comment as-tu découvert les comics ou ton premier comics si c'est alors c'était il y a longtemps, c'était pour la sortie de Spider-Man. On a été invité par la boîte de mon père à une projection privée, enfin une avant-première mais privée quoi du coup. Et il y avait un petit escalier qui menait à la salle de cinéma et en fait au premier palier de l'escalier t'avais du popcorn, au deuxième des Magnum et au troisième des comics. Qu'est-ce qu'il fait ton père du coup On peut venir. Allez. Et du coup, on avait eu un petit sac avec 3-4 comics en VO. Dedans, j'avais eu un X-Men, j'avais eu un Dracula et un Gen 13. Et pas du tout de Spider-Man du coup. Non, pas du tout de Spider-Man. Mais après, je l'avais changé, tu vois, parce que je voulais absolument un Spider-Man. Donc, on avait fait du troc et tout. Je m'étais fait arnaquer par les collègues de mon père. Et j'avais accroché à Gen 13. Et du coup, c'est la première série de comics que j'ai lue en entier, je crois. Ouais. Gen 13, c'est un truc de Mathieu, c'est quoi? C'est juste Scott Campbell. Oui, c'était Wildstorm. C'était des ados. C'est un peu la X-Men. Ouais, un peu plus sexy. C'est Image, non? C'était Wildstorm à l'époque, Image après. Ouais, c'était à ce moment donné la caution un peu teenage, fun, sympatoche. C'est ça, puis ça s'était un peu cassé la gueule parce que X-Men marchait un peu trop bien. Ouais, bien évidemment, la renouveler un petit peu après. C'est ça. Et puis le créateur bossait aussi avec Marvel, du coup c'était un peu bizarre, enfin c'était un délire un peu étrange. Il bossait sur Iron Man, sur les trucs comme ça, et du coup. Voilà, du coup, c'était pas... Il y a un peu de sexualité, je crois que c'est l'une des premières lesbiennes affichées, Rainmaker, ouais, enfin, il y a deux, trois trucs un peu fun, quand même. Ok. Quel est ton dessinateur ou ton scénariste favori? Scott Campbell. Parce que c'est un de ceux que j'ai retenu, et puis parce que je trouve que c'est... Enfin, moi, je suis... Genre... Au début, The Goddamned, ça m'a un petit peu interpellé parce que c'est pas pareil. Hein. C'est ça, ça fait très croquis peinture. Enfin, je sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement, mais voilà, moi, je suis plus habitué à des choses un peu propres. Voilà, entre guillemets, Scott Campbell, c'est un peu, voilà, c'est ça. C'est cartoony un peu, ouais, voilà, sexy. C'est ça. Et du coup, j'étais plus habitué à des traits propres ou ce genre de trucs. Et au final, enfin, je. Ouais. Tu as vu qu'il y avait du Scott Campbell, en tout cas, c'est. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ah oui, après, genre, des fois par hasard, quand je prends un train, un truc comme ça, j'achète un comics. Soit j'aime bien, soit je trouve ça absolument poussant en termes de... C'est vraiment au petit bonheur la chance, quoi. Alors, quel est ton film favori tiré d'un comics? Spider-Man 2, juste pour l'emmerder. T'as le droit de... Alors, j'adore Captain America, mais j'aime pas ce qu'ils en font. Je dirais Spider-Man, ouais. Lequel? Alors, pas le 3, du coup, je suis désolé. On en parlait juste avant. A priori, on a un grand défenseur de Spider-Man 3, le seul, je pense, qui existe actuellement. Non, mais il est bien. Mais les os se sont fichus. Il est joli. Non, il est joli, franchement. Il y a Topher Grace, moi j'aime bien Topher Grace. Mais Spider-Man 1 et 2, je dirais, okay, ça se vaut. Ok, Sam Raimi. Du coup, ça va être un peu plus dur, mais si t'es pas fan de comics, j'aurais dû virer cette question. C'est ta rencontre la plus marquante avec un artiste? J'ai croisé une fois la doubleuse de Son Goku. Ah. Voilà, et du coup quand je l'ai entendu parler, j'ai halluciné, je lui ai posé la question et puis ouais, il se trouve que voilà. Bah, c'est cool. Ouais, tu m'étonnes, voilà. Ça doit faire bizarre. Ouais, surtout que enfin, t'es tellement habitué à voir le personnage que c'est une voix quand même atypique, tu vois. Ouais, justement. Et du coup, c'est enfin, honnêtement, c'est tu t'attends ni à ce que ça sorte de ce corps-là, ni à ce que ce soit aussi. Vous pouvez dire Kamehameha, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, c'est nuage magique et tout. Et puis au final, bah voilà, c'était un bon délire. Ouais. Et la dernière question, avant de parler de dernier créneau, c'est quel est le titre que tu conseillerais pour commencer les comics? Alors pas Gen 13, parce que c'est frustrant, parce que ça s'arrête vite. Et parce que c'est introuvable en VF en plus. Alors non, même à Montpellier, à Planète Interdite, j'en ai trouvé quelques-uns. Du coup, ça a fait battre mon cœur et je les ai rachetés. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, je les ai un petit peu incomplets vu qu'on les échangeait avec des copains à l'époque. J'en ai plein si tu veux. Et non, du coup, pas de Gen 13 parce que c'est. Moi, je veux bien. Si tu veux. Ah, si, mais on en parlera après. Ah, ouais, on fera. Mais pas de Gen 13, mais non, faut partir sur du classique, genre du Batman, mais genre Batman and the Outsiders par exemple, c'est sympa. Je pense qu'il y a des licences de Robin qui sont hyper accessibles aussi. Enfin, il y a des trucs qui sont cool comme ça. Ok. Et est-ce que tu veux me parler de ton parcours et de dernier créneau Alors j'imagine que j'ai pas le droit de dire non, du coup. Bah oui. sinon, on a 15 minutes. Ouais, 15 minutes pour parler de Flash et les 4 Fantastiques, ça vous va ou pas? Non, ouais. On s'est rencontrés parce que j'ai invité une membre de mon équipe, a invité Nicolas de Souza, du coup, qui est, alors si j'ai bien compris, président de Radio Campus Montpellier et présentateur de Amalgame. Je crois qu'il est juste présentateur de Amalgame. Ah très bien. Enfin, je sais pas. Salut, il est juste derrière là-bas. Et du coup, ouais, donc on l'a invité, et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Du coup, toi et moi, James, et au final, on a un peu discuté. Tu m'as invité sur le plateau, je sais pas du tout pourquoi, parce que j'ai pas un avis très intéressant sur les comics. Parce que Faye a pas pu venir, du coup. Voilà, mais non, en gros, mais t'as loupé un. Faye ne vient plus. Ah, d'accord, ah bah bravo. Elle passe sur Geek en série maintenant, donc. Ah, ça, elle a trahi. On peut pas tout faire en même temps. Moi, je peux tout faire en même temps, mais elle. Oula. Ah, y a... c'est l'inverse, c'est plus les femmes qui sont multitâches que les hommes. Il va y avoir des problèmes. Mais ouais, du coup, j'ai un talk show Actu Geek et Numérique qui s'appelle Dernier Créneau. Ça passe le lundi d'ailleurs, ce soir à 21h. Donc sur YouTube, Popov34 sur YouTube. On partagera le lien. Ça marche, merci pour les intéressés. Et puis à la base, c'était pas du tout de l'actu pop culture, etc. C'était plus une libre antenne un peu thématique décalée. Genre, en fait, toutes les semaines, on était dans notre chambre avec un pote et puis on posait une thématique style qu'est-ce que tu ferais si tu restais 24 heures à vivre, ou qu'est-ce que tu ferais en cas d'invasion de zombies. Alors apparemment les gens vont vraiment à Castorama pour les invasions de zombies. Ah, d'accord. Donc sachez-le, il n'y a pas de problème. Mais, non, ouais. Pourquoi alors, mais pour le rayon jardinerie, mais après et ouais, du coup ça a évolué petit à petit parce que ça s'est lancé il y a un peu plus de 2 ans, genre 2 ans et demi, un truc comme ça. Et en gros, on a fait ça d'abord dans une chambre, puis dans un salon, en essayant d'être 2, 3, etc. Et puis, les aléas de la vie font que les co-animateurs que j'avais sont partis une première fois, puis une deuxième, puis ça a rechangé, puis machin. Ah, je connais ça. Ouais, je sens qu'on est bien. Ouais, c'est ça. Et puis au final, j'étais en pause un été, donc il y a un an maintenant quasiment, j'étais en pause pour l'émission, et puis je savais pas si j'allais reprendre ou pas, etc. Et il y a un mec qui s'appelle Oventit qui regardait Dernier Créneau, et qui du coup fait partie du Final Spot, donc c'est un des actionnaires du Final Spot, qui est un bar gaming à Montpellier, avenue de Louis Blanc, très bon cocktail, etc. qui m'a proposé parce qu'ils avaient déjà fait des streams avec plusieurs caméras, etc. Qui m'a dit écoute, moi je te file du matos, je te file une régie, on installe un plateau, etc. On fait ça un peu quand tu veux, quand le bar est ouvert, quand le bar est fermé, etc. Et puis on met en place une équipe et on essaie de faire un truc un peu canon pour voir ce que ça donne. Et en gros le principe c'est qu'avant les gens nous appelaient sur Skype pour nous donner leurs avis et compagnie. Et maintenant qu'on est une équipe, en fait on dépend plus des gens, on dépend plus des appels. Et du coup vu que tout le monde avait envie de parler de plein de choses, ben on a arrêté de faire une simple et maintenant on parle vraiment de tout ce qu'on veut. Genre je sais pas, par exemple sur l'ancienne version on aurait parlé d'Harry Potter, on aurait été obligé de cibler un peu la problématique style je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais vivre de l'univers d'Harry Potter. Il y aurait un mec qui aurait appelé pour dire le Quidditch, il y aurait un autre qui aurait appelé pour dire j'en sais rien, genre la coupe de feu, enfin n'importe quoi, tu vois. Et ça nous frustrait un petit peu parce que du coup tu pouvais pas parler, j'en sais rien, je dis ça au pif, mais genre par exemple d'Hermione Granger ou des trucs du style. Par exemple, parler d'Hermione Granger. Hermione, la cape d'invisibilité. tout ça. Et du coup, c'est ça. Et du coup, on a essayé d'élargir vraiment. Et puis au final, on s'est dit bah pourquoi est-ce qu'on parlait pas un peu de tout. Et du coup, maintenant, on a une rubrique par exemple qui s'appelle Sion de I. Et en gros, c'est un petit peu votre revue de news. Genre, on prend des trucs qui nous interpellent, qui nous font marrer, puis on liste en une dizaine de minutes. On a des thèmes un petit peu plus larges, genre je sais pas, bah, par exemple les dernières grosses sorties de ciné ou des trucs du style. Quand il y a un Marvel qui nous interpelle un petit peu, on en parle, on prend 20 minutes, 30 minutes pour en parler. Vous parlez de séries aussi, vous avez parlé de On parle de 13 Reasons Why, enfin on parle un petit peu de tout. En ce moment on est un peu branché Netflix parce qu'on est tous dessus. C'est trop bien Netflix. Donc ouais, on essaye de couvrir un petit peu tout. Et maintenant on parle aussi un petit peu d'e-sport parce qu'à la base c'était mon taf. Et puis on parle un peu de... enfin on parle de plein de trucs pour interpeller les gens et pour interpeller tous les publics. Parce que dans Dernier Créneau, en fait, à la base, bah, forcément, c'est mes potes qui regardaient ou c'est des gens qui me suivaient un petit peu sur internet parce que bah, je bossais dans l'e-sport et tout. Donc on essayait un petit peu d'être genre geek ou en tout cas jeux vidéo. Et de fil en aiguille, quand les gens partagent, bah, y a la tante d'une pote qui regarde Dernier Créneau qui s'est mise à regarder. Donc elle a 45 ans, elle couche ses gamins et puis elle vient regarder Dernier Créneau après. Et comme elle ne joue pas du tout aux jeux vidéo, ce genre de trucs, bah, on s'est mis à parler de séries, puis après on s'est mis à parler de films, et puis après on s'est mis à parler de petits gadgets. Genre j'amenais des vous savez, des casse-têtes en bois qu'il y a sur les stands du marché de Noël, des trucs comme ça. Et puis on passait 20 minutes à essayer de les résoudre, enfin c'était un délire. Et petit à petit, voilà, on essaye de faire notre bout de chemin. Et la nouvelle mode maintenant, bah, c'est les invités. Du coup, bah, James, tu seras officiellement invité. On en parlera en off, mais tu pourras venir parler de comics et tout avec nous, ça va être sympa. Avec plaisir, parler de séries ou de comics. Moi je suis toujours, toujours open pour parler de pop culture avec plein de monde. Et on fait gagner des trucs, donc il faut venir sur les invités du coup ou pas Ouais, non mais on pourra faire venir l'équipe et tout. Puis on fera... De toute façon, on a un plateau, les gars, donc on a des canapés. C'est vrai, ils ont un super plateau, franchement. Ils ont des canapés. Ouais, on a des canapés. Ouais, non, alors. Allez, vas-y, on va faire apéro là-bas. J'étais déçu qu'on me propose une chaise en arrivant. Est-ce qu'il y a des chips et des bières? Il y a du cocktail. Alors, il y a des bières. On peut avoir des chips si tu veux, mais. T'as déjà fait une émission dans un bar, d'ailleurs il y avait personne. Le bar était fermé. C'est ça, sur la Game Taverne en fait. Parce qu'avant on faisait des podcasts, mais ouais, on faisait la Game Taverne. Et il y a un podcast où les propriétaires étaient partis, nous avaient laissé le bar pour nous tout seuls. Et, okay. Et la tireuse à bière. Et la tireuse à bière que Mathieu. C'est pas vrai. De toute façon, ils ont mis sur les canards. Il avait payé. On a laissé l'argent sur le bar. J'ai laissé des sous sur le bar. Exactement. J'espère qu'ils ne les écoutent pas. Donc bah merci beaucoup de nous avoir présenté ton émission. On écoutera ce soir. Ouais, 21h. Et je balancerai le lien sur la page Facebook. Du coup, est-ce que vous avez des attentes ou des coups de cœur à... Oui, Juni, il a toujours envie de parler de trucs. Vas-y, Juni. Ouais, parce que je tombe toujours sur des trucs cool. Alors, en fait, récemment, j'ai revu un vieux film que j'aime beaucoup qui s'appelle La Machine à voyager dans le temps. Et que je recommande énormément. Lequel à... Alors justement, que je recommande énormément aux gens la version 1960. Oui, oui, j'allais te demander, c'est quoi un vieux film pour toi, tu vois. Oui, disons, fixé. Ouais, on va dire plus vieux que moi, en gros. Okay. Parce que celui avec. Comment il s'appelle, merde ? Guy Pearce. Ouais, voilà, oui, parce que du coup, alors, je vais commencer par la version 1960, qui est absolument géniale, intéressante, intelligente et machin. Bon, elle est faite en 1960, donc il y a un personnage féminin qu'au bout de 5 minutes, vous n'allez pas pouvoir la supporter, mais s'il vous plaît, supportez-la, parce que le film est cool malgré ça. Et par contre, ne touchez pas à la version 2000 ou 2002, je ne sais plus très bien, parce que c'est juste, c'est de la sci-fi version 21e siècle, quoi. Donc il y a beaucoup d'explosions, il n'y a pas beaucoup de scénarios. Et en fait, pour aller jusqu'à ça, disons que, comment dire, je recommande en fait tous les films des années 50-60 qui tournent autour de la sci-fi. Donc ça va être tout ce qui a lancé un peu le mouvement steampunk, du genre 20 milieux sous les mers, la version Disney. Par exemple aussi, il y a l'attaque des aliens, comment ça s'appelle encore, La Guerre des Mondes de George Pal, ouais. C'est le même réalisateur que La Machine à voyager dans le temps. En fait, comment dire, je me retrouve une vieille passion pour ces vieux films que du coup je vais recommencer à revoir, et du coup je vous invite un peu à faire pareil. Et l'autre truc aussi, c'est j'ai une attente un peu dans le même délire, c'est-à-dire que étant donné que maintenant les films qui tournent autour de sujets très sci-fi ont tendance à être plus explosifs qu'intelligents, ouais, j'étais très content quand moi qui ai toujours aimé La Planète des Singes, qui adorait tous les vieux films, sauf celui avec les mutants télépathes, là, lui, il était vraiment bizarre. mais du coup, ouais, ils ont fait le fameux reboot avec César, qui est joué par le même acteur que Gollum, et ils en ont fait un qui était surprenant de qualité, puis un deuxième qui était encore plus surprenant de qualité, et du coup, je suis extrêmement pressé pour un le troisième. Ouais, qui va être, qui est voilà, et le troisième sort cette année, et je crois qu'une fois que je l'aurai vu, je pourrais mourir heureux. Parce que j'aurais eu ma dose en gros, et franchement je suis même étonné que ce soit aussi bien fait au niveau visuel. Mais revoyez le premier avec Charlton Heston, il est vraiment ouf. Non mais c'est ça, il est vraiment génial. Refaites-vous, trouvez une liste, doit forcément exister, de vieux films de sci-fi, des années 50, 60 jusqu'à maintenant, et faites-vous une liste de tous les vieux films et regardez-les, parce que c'est juste, c'est trop bien. Est-ce que tu vas te mettre au vieux film de la Hammer, un peu d'horreur, Julie Frankenstein et tout? Ils sont vraiment géniaux. J'ai l'intention, c'est sur ma liste aussi, mais là je suis dans un mode sci-fi en fait. Donc ouais. Tant qu'à faire, je vais me battre un peu des machines à voyager dans le temps et des aliens, et de préférence avec un peu de sous-texte genre guerre atomique dessous, vu la période à laquelle ça a été fait. Mais ouais, les prochains sur la liste, ça va être la créature du lagon et des gars comme ça. Mathieu, est-ce que tu as un petit... je t'ai pas du tout prévenu, mais... En parlant de SF, série télé, je me fais la saison 2 de The Expanse, qui est vraiment cool. Qui est sur Netflix, je crois. La saison 2 de The Expanse ? Ouais. Elle est sortie ? Oui. Ah, je savais pas. Il faut que je m'en aille, j'ai des choses à faire. Ouais, il y a pas très longtemps, il y a un mois et demi, il y a 13 épisodes, donc c'est la SF d'anticipation avec une espèce de... pas mal de géopolitique entre Mars, la Terre, et au milieu des pauvres ouvriers qui travaillent dans la ceinture d'astéroïdes, qui en prennent plein la mouille. Et c'est très sympa. Et ouais, c'est vraiment bien construit, c'est un régal, série sci-fi, il n'a pas des masses des biens. Et en plus, ouais. C'est pas vilain, hein. Non, ouais, c'est visuellement, la saison 2 en plus... Alors vraiment, il y a des scènes où tu fais... Ils ont mis du pognon un peu, parce que la saison... C'est bizarre pour une série sci-fi, parce que ouais. C'est très moche. Alors c'est basé sur des bouquins que j'ai pas lus, mais il y a du matériel de base qui a pas l'air dégueulasse. En termes de SF, c'est ma dose de SF bonheur. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Après, Battlestar Galactica, c'était sur sci-fi, je crois. Et je crois que c'est la meilleure série SF de SF du monde entier. Décidément, c'est encore qu'entre ça et Krypton, on va devoir commencer à donner du respect à sci-fi pour leur visuel. ouais, ça craint, hein. Il va falloir s'y mettre. Hein. Après, il faudra avoir le pilote, hein, parce que. Du coup, ça donne confiance pour Krypton, c'est con, mais ils font du bon boulot là. Ouais, non, c'est sûr. Mais t'as vraiment envie de voir une série sur Krypton, quoi. Enfin. Pourquoi pas. Si c'est bien écrit, si c'est bien fait. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de vraie bonne base pour Superman et compagnie et son univers. Du coup, tout est bon à prendre, quoi. Ouais, parce que c'est quand même un héros un peu emblématique, tu vois. Ouais, moi, alors peut-être que. Toi sera pas forcément d'accord avec moi, Gotham, j'aime pas mal ce qu'ils font, ils ont bien arrivé à découvrir leur truc, pourtant c'est pas Batman-like, il a 8 ans, 10 ans, 12 non, ans, j'en sais rien. Mais hormis 2-3 problèmes peut-être de casting et de scénario droite à gauche, ça reste quand même pas dégueulasse ce qu'ils font, quoi. Donc un truc libre comme ça sur Superman, Krypton, ouais, pourquoi pas, ouais. Thomas Ouais, Ouais, il y a la saison 2 de Rick and Morty qui est en train de sortir. Elle est en train de sortir, ça fait un moment. Non, la saison 3 qui va sortir. Oui, saison 3, ouais. Saison 3. Elle est actée, je pense que c'était. Elle vient de. Il y a le premier épisode qui est sorti sur Netflix, donc là, okay. J'ai un truc à faire aussi. Ouais. C'est trop bien, Rick and Morty. Parce que Rick and Morty, juste meilleur dessin animé ever, genre, il n'y en a pas un comme ça qui m'a fait rire autant que Rick and Morty. C'est génial. C'est un peu compliqué à résumer ce que c'est, mais c'est un dessin animé vraiment super original et j'ai jamais vu des personnages comme ça. Mais c'est genre. Retour vers le futur, mais en nihiliste. En gros, c'est un vieux alcoolique hyper intelligent, finalement, scientifique, qui va amener son petit-fils dans des dimensions complètement cheloues. Et ça part tout le temps des délires de fou, et c'est de l'humour hyper noir. Mais c'est le mec qui a fait Community super drôle, qui fait vraiment. Ça. C'est dans la même veine que Community. Du coup, là, j'ai hâte de me théma cet épisode, surtout comment ça a fini dans la saison 2. Effectivement. Vraiment, très bonne série, je le conseille à n'importe qui. C'est à mourir de rire. Donc, comme vous parlez tous de séries, moi je vais vous parler de Geek en série. Je me fais de la propre pub, c'est pas grave. Balèze. Si vous nous avez pas encore écouté, donc c'est l'émission de radio, de série télé de Radio Campus Montpellier. On vous parle de séries tous les 15 jours. La semaine dernière, on vous a parlé de Orphan Black. C'était vraiment cool. Je trouve que l'équipe est vraiment. On a vraiment une ambiance cool dans l'équipe. C'est vraiment sympa. Par rapport à. Par rapport à ici, non, je rigole. Disons qu'ils se font moins victimiser, apparemment. Non, mais c'est ça, en fait, c'est contraire, en pire. J'ai droit à un coup de cœur, moi, ou pas? Oui, oui, attends, je finis ma le promo et après je. Ah, non, t'as pas dit, faut laisser parler. Très bien. On va vous parler, bon, là, on va enregistrer un truc sur les upfronts, donc on va vous dire les trucs annulés, les trucs qui vont revenir, les trucs qui vont pas revenir. Et la prochaine, ce sera sur Bojack Horseman, parce que c'est vous qui avez voté, comme on vous laisse, on pioche 3 séries à chaque émission. Tu m'avais pas envoyé un message pour que je vote pour. Si. Ah, c'est ça que j'ai pas fait aussi. Ouais. Oui, parce qu'on a failli parler du Noun d'enfer et franchement, parler pendant une heure du Noun d'enfer, genre, je me serais tiré une balle. Ouais, il peut faire son coup de cœur. Vas-y. C'est toi qui fais l'émission ou c'est moi? Je sais pas si vous avez déjà fait un geek en série dessus, mais ça pourrait être intéressant. Moi, je suis tombé amoureux de la série The Last Ship. C'est pas le truc avec le bateau là. Eric Bane. C'est possible. Je sais plus. C'est le monsieur qui fait Dr. Sloane dans Grey's Anatomy. C'est ça, je crois. Ouais, tu dis oui, on verra. Ouais. C'est exactement. C'est super référence. Non, ouais, en gros, c'est le pitch de la saison 1. Après, ça évolue évidemment. C'est qu'il y a un bateau de l'US Navy en mission sous silence radio et compagnie qui s'isole. Alors, je sais plus si c'est au pôle nord ou au pôle sud pour trouver la cellule souche d'un virus qui menace l'humanité. Et au final, quand ils le trouvent et qu'ils reprennent contact avec le continent, mais il se trouve que le système s'est complètement effondré. Et que la moitié de la population mondiale a disparu atteinte de cette maladie. Du coup, alors c'est ni des zombies ni des délires comme ça, c'est une espèce de peste un peu soft qui tue les gens forcément. Et y a des espèces de mini-dictateurs qui se créent à droite à gauche. Alors forcément, vu que c'est américain, il y a un délire avec la Russie, avec les Chinois, avec tous ces trucs-là. Et honnêtement, c'est bien foutu. C'est un peu moche des fois. Ils n'ont pas énormément de pognon, mais ça passe... Ça s'appelle comment, du coup? The Last Ship. Et ça n'a pas été annulé, ça? Non, je crois pas. Est-ce que c'est sur Netflix, du coup, vu que... Alors, je sais pas si c'est sur Netflix, mais c'est déjà passé sur W9 pour les deux premières saisons. Il y a la 4 qui sort, je crois, cet été, et la 3 du coup va être diffusée sur W9 incessamment sous peu, je pense. Et honnêtement, c'est bien foutu. Après, forcément, c'est une série américaine et l'Amérique est puissante, les Américains sont très forts, et à la fin, c'est l'Amérique qui gagne. C'est une série network, donc forcément, c'est super patriotique. Merci beaucoup de nous avoir parlé de The Last Ship. Avec plaisir. On regardera ça. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, et sur Twitter, et sur le site internet Comics Discovery. .fr ce soir, vous savez ce que vous regardez, puisque vous regardez Dernier Créneau sur YouTube. À 21h. Nous, on vous laisse avec un dernier morceau choisi par notre ami Juni. D'ailleurs, tu vas dire le titre. Legend Has It, Run the Jewels. Donc, c'est le groupe dont tu nous as parlé la semaine dernière. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va sûrement vous parler de Vision. Et voilà, c'est tout. Tu l'as dit en mode vénère, Vision. Ouais, parce qu'en fait, je suis à deux doigts de tousser. Ça, détends-toi. Bah, du coup, merci pour l'invitation. Bah, de rien. Allez, à la semaine prochaine, bye. Ciao, les gens. There was no training or taming of me and my bra. Live like a man, but I'm animal raw. We are the murderous pair. There with the jail and we murdered the murderers there. Then with the hell and discovered the devil delivered some hurt and despair. Used to have powder to push. Now I smoke pounds of the push. Holy, I'm burning the bush. Now I give a fuck about none of this shit. Two runner over and get out of this bitch. Step into the spotlight. Uppers and downers get done. I'm in a rush to be numb. Dropping 1,000 ain't much. Cup in the clouds on a missile to turn this whole town in the dust. Don't make a sound, baby, hush. I am the living swipe right on the mic. I'm a slut. I don't know how to not spit like a loud. I spill a pound of my kids on your couch. Half of a Mongol and mythical team. Feeling this treacherous thing. Legend says L is a spun out of hell. The myth is my mama's a murderous queen. Your life can end like in Godfather 1. You get the gun as I christen my son. If I die today in this hell, I should pay. Tell the Lord Mikey said, fuck. It was fun. Every new record's my dick in a box. We get a doozy, the mullah's a lot. You're getting used to me doing no wrong. I don't play chicken, you prick, I'm a fox. You wanna kick it, I'll give you the rocks. You kiss the wood chipper blade if you bark. I'm fucking magic, in fact, I'm a warlock, a talk. I got a unicorn horn for a stop. Step into the spotlight. Mike in the jelly won't snitch. I run the room with the Ritz. I sip a fifth of the whisk. I smoke a dub in the tub. Then I was split on my wrist. I'll pull a sword on you since, just for the flick of the wrist. Get your neck giving a miss. Me and my skip away whistling and grin. Every day's golden when you only win. Bullying bastards and beating on beats. Sounds like a day at the beach. Preach. I keep the middle school step on your feet. Before you can speak, blow to the beat. We move up on the ones you think of me. You think I'm lying, you right, see my teeth. Don't be a boy when I'm roaring if I move. Hunt is no fun when your prey doesn't move. I put a gun to a bunny like truth. Say something funny, your bunny go boom. You got a bevy of shit you could groove. We like to thank you for choosing our crew. And that's from the crew you can trust. Warranty plus for fucking shit up. We are the no-gooders, do-gooders, known of the dancers and dealers and doers of dust.